Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611-1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur près de l'archevêché, 1858. Relation de 1611. Chapitre 13. Le voyage et l'arrivée à Port-Royal. Jamais, forte marée n'arriva plus à propos un navire ensablé pour le dégager des basses eaux et le remettre en haute mer pour gagner pays, que l'association des Jésuites se rencontra propice au sieur Robin pour avoir commodité de fournir son vaisseau de Canada et de délivrer des barres entre lesquelles il se trouvait arrêté. Car il était fils de famille, et partant, vous pouvez estimer qu'il n'avait pas les millions à commandement. Son père aussi n'avait que faire d'entendre aux navigateurs d'outre-mer, ayant tout fraîchement entrepris le grand parti du sel, qui requiert un fonds et une occupation si grande que chacun sait. Je dis ceci parce que le factieux écrivain, jugeant mal des bénéfices de Dieu, impute aux Jésuites que le sieur de Biencourt ne paraît plutôt de Dieppe pour la Nouvelle-France, étant néanmoins le contraire. Car, à leur occasion, l'on trouva de l'argent pour mettre vite la voile au vent, ce qu'on ne pouvait faire sans cela. On démarre donc le 26e de janvier l'an 1611, avec d'autant plus de réjouissance que les disputes et l'attente avaient causé d'ennui. Encore partit-on trop tôt pour arriver si tard, car on consuma 4 mois en la navigation et alla-t-on surgir premièrement à Canseau, à cause de quoi on fut contraint puis après de côtoyer la terre avec surséance en plusieurs endroits. Cette côte, jusqu'à Port-Royal, est d'environ 6-20 lieues. En notre route, nous eûmes la rencontre du sieur Champlain, qui tirait à Québec parmi les glaces, sur la fin du mois d'avril. Ces glaces étaient monstrueuses, car en aucun endroit la mer était toute couverte, autant qu'on pouvait étendre la vue. Et pour passer à travers, fallait les rompre avec barres et leviers apposés aux escobilles ou becs du navire. Elles étaient d'eau douce, et avait été charrié plus de 100 lieues avant, en haute et pleine mer, par la grande rivière Saint-Laurent. En aucun endroit apparaissaient des hauts et prodigieux glaçons, nageants et flottants, élevés de 30 et 40 brasses, gros et larges comme si vous joigniez plusieurs châteaux ensemble, et comme vous diriez, si l'église Notre-Dame de Paris, avec une partie de son île, maisons et palais, allait flottant dessus l'eau. Les Hollandais en ont bien vu de plus énormes et prodigieux à Spitsbergen et au détroit de Bygatz, si ce qu'ils en ont publié est véritable. Nous arrivâmes à Port-Royal le 22 de juin de la même année 1611, le saint jour de la Pentecôte. Mais avant que mettre pied à terre, disons un mot touchant l'état auquel les Jésuites ont vécu pendant le voyage. Car, quoique ce soit chose de peu de conséquence, elles sont toutefois nécessaires pour fermer la bouche aux mensonges. La vérité donc est, premièrement, qu'ils n'eurent aucun serviteur en tout ce voyage, sinon leurs propres pieds et bras. S'il fallait laver leur linge, si nettoyer leurs habits, si les rapiécer, si pourvoir à autre nécessité, ils avaient privilège de le faire eux-mêmes aussi bien que le moindre. Secondement, ils ne se mêlaient d'aucun gouvernement, ils ne faisaient aucun semblant d'avoir point de droit ou puissance dans le navire. Le seigneur de Biencourt faisait tout, seul maître et absolu. Laquelle forme d'humilité ils ont toujours continué depuis à Port-Royal. Leurs ordinaires exercices étaient de chanter le service divin les dimanches et fêtes avec une petite exhortation au sermon. Tous les jours, le matin et soir, ils assemblaient toute la troupe pour la prière, et le carême, par l'exhortation, 3 fois seulement la semaine. Leur conversation était telle que le capitaine Jean d'Aune et le pilote David de Bruges, tous deux de la prétendue, en rendirent témoignage avec grande approbation au sieur de Potrincourt, et ont déposé souvent depuis dans Dieppe et autre part qu'ils avaient connu lors les jésuites pour tout autre qu'on ne leur avait figuré auparavant, savoiraient, pour des gens honnêtes, courtois et de bonne convention et conscience. Chapitre 14. L'état auquel était le sieur de Poitrincourt lors de cette arrivée et son voyage aux Aides-Chemins. La joie de l'arrivée fut grande d'un côté et d'autre. Grande aux arrivants à cause de leur désir et de l'ennui supporté en une si longue navigation, mais bien plus redoublée au sieur de Poitrincourt qui avait été en de grandes peines et appréhensions durant tout l'hiver. Car, ayant eu avec soi 23 personnes, sans provisions suffisantes pour les nourrir, il avait été contraint d'en congédier aucun pour s'en aller avec les sauvages, vivre avec eux. Aux autres, le pain avait manqué 6 ou 7 semaines durant, et sans l'assistance des mêmes sauvages, je ne sais si tout ne leur eût misérablement failli. Or, le secours que nous leur apportions n'était quasi que, comme l'on dit, un verre d'eau et un bien altéré. Premièrement, parce que nous étions 36 en notre équipage, lesquels, ajoutés aux 23 hommes qu'il y avait, 59 bouches se retrouvaient tous les jours à sa table, et même Berthoud le sauvage par-dessus, avec sa fille et sa séquelle. En après, nous avions demeuré 4 mois sur mer, et par ainsi, nos provisions étaient fort diminuées, vu mêmement que notre vaisseau était fort petit, savoirait de 50 ou 60 tonneaux, et plus provisionné pour la pêche que pour autre chose. À cette occasion, donc, ce fut à M. de Potrincourt de penser plutôt comme il renverrait promptement cette si grande famille, de peur qu'il ne consumât tout, que non pas de procurer la troque et la pêche, desquelles néanmoins gisait tout l'espoir de ressources pour un second voyage. Si ne pouvait-il s'empêcher totalement de troquer, car il fallait faire de l'argent et pour payer les gages de ses serviteurs, et pour étant en France, aller et venir. À ses fins, donc, il part dans de siens navires, quelques jours après, avec quasi toutes ses gens, pour aller en un port des Aides-Chemins, appelé la Pierre Blanche, à 22 lieues de Port-Royal, droit à l'ouest. Il espérait de trouver là quelque secours de vivres au moyen des navires français qu'il savait y trafiquer. Le père Billard l'y voulut accompagner, afin de reconnaître le pays et disposition des nationnaires, ce qui lui fut accordé. Ils y trouvèrent 4 vaisseaux français, un appartenant au sieur de Mont, un Rochelet, un Malouin ou de Saint-Malo, de Dupont-Gravé, auquel commandait un sien parent, appelé capitaine Lassalle, duquel nous parlerons tantôt, et une barque aussi malouine. Il se faut souvenir de ces 4 vaisseaux pour bien entendre ce qui suit. Le sieur de Potrincourt, appelant à chacun de ces 4 l'un après l'autre, leur fit reconnaître son fils pour vice-amiral, puis leur demanda aide, remontrant les nécessités auxquelles il avait été réduit. L'hiver passé, promettant de les rembourser en France, chacun contribua. Mais Dieu pardoint au Rochelet, car ils trompèrent la gabelle, dont des barils de pain gâtés pour du bon. Cependant que tout ceci se trafiquait, le père Billard, oui, que le jeune Dupont était à terre avec les sauvages, que l'année prochainement passée, il avait été fait prisonnier par le sieur de Potrincourt, d'où, s'étant évadé subtilement, il avait été contraint de courir les bois en grande misère, et lors même, il n'osait aller à son navire de peur qu'il n'y fût saisi. Le père Billard, ayant tous ces accidents, supplia le sieur de Potrincourt d'avoir égard au grand mérite du sieur Dupont, le père, et aux belles espérances qu'il y avait du fils, ajoutant que vraiment c'était bien être malheureux si les Français, courant au bout du monde pour convertir les sauvages, y venaient perdre leurs propres concitoyens. Le sieur de Potrincourt se fléchit à ses remontrances et permit au dit père Billard d'aller chercher le jeune homme, avec promesse qu'il ne pouvait l'induire à venir librement pour faire des révérences au dit sieur de Potrincourt, aucun mal ne lui serait fait, et tout le passé serait mis sous les pieds et enseveli. Le père y alla, et fut heureux en effort, car il amena le dit Dupont au sieur de Potrincourt, et, paix et réconciliation faites, on tira le canon. Dupont, en action de grâce et pour l'édification des Français et des sauvages, voulut se confesser le jour suivant et faire ses Pâques, car il ne les avait point faites de cette année-là. Aussi, les fit-il avec fort bon exemple de tous au bord de la mer, où se chantait le service. Ses dévotions achevées, il supplia le sieur de Poutrincourt de permettre que le père Billard vînt dîner à son navire, ce qui lui fut accordé. Mais le pauvre invitant ne savait pas quelle desserte l'attendait, car je ne sais comment son navire lui fut saisi et emmené, lequel, pour le faire court, lui fut rendu à la sollicitation instante du dit père Billard, qui en avait le cœur tout transi. En quoi, le sieur de Poutrincourt se montra fort équitable et voulut obliger le dit père, qui lui en sera gré à jamais. Chapitre 15. Le retour du sieur de Poutrincourt en France et la difficulté d'apprendre la langue des sauvages. Nous avons expliqué ci-devant la nécessité laquelle pressait le sieur de Poutrincourt de renvoyer tôt ses gens en France. Or, il voulut les conduire lui-même en personne, afin de plus efficacement donner ordre à toutes choses et principalement à un prochain ravitaillement. Car, sans y celui, ceux qu'il délaissait à Port-Royal étaient sans moyen de passer l'hiver, en manifeste danger d'être troussés par la famine. Pour cette cause, donc, il partit environ la mi-juillet de la même année 1611, et arrivant en France sur la fin du mois d'août prochain lui suivant. Il laissa son fils en sa place, le sieur de Biencourt, avec 22 personnes, en comptant les deux jésuites, lesquels, voyant que, pour la conversion des païens, la langue du pays leur était totalement nécessaire, s'y résolurent d'y vaquer en toute diligence. Mais on ne saurait croire les grandes difficultés qu'ils y rencontrèrent, parce principalement qu'ils n'avaient aucun interprète ni maître. Le sieur de Biencourt et quelques autres y savaient bien quelque peu, et assez pour la troc et affaire commune. Mais quand il était question de parler de Dieu et des affaires de religion, là était le sceau, là le cap non. Partant, ils étaient contraints d'apprendre la langue d'eux-mêmes, sans qu'étant des sauvages comme ils appelaient chaque chose. Et la besogne n'en était pas fort pénible, tandis que ce qu'on demandait se pouvait toucher ou montrer à l'œil. Une pierre, une rivière, une maison. Frapper, sauter, rire, s'asseoir. Mais aux actions intérieures et spirituelles, qui ne peuvent se démontrer au sens, et aux mots qu'on appelle abstraits et universels, comme croire, douter, espérer, discourir, appréhender, un animal, un corps, une substance, un esprit, vertu, vice, péché, raison, justice, etc., en cela, il fallait ahanner et suer, là étaient les tranchées de leur enfantement. Ils ne savaient par quel endroit les prendre, et s'y entendaient plus de cent. Il n'y avait geste qui exprimât suffisamment leur conception, et s'ils en employaient 10 000. Cependant, nos messieurs de sauvages, afin de se donner du passe-temps, se moquaient libéralement d'eux. Toujours quelques sornettes. Et, afin que la moquerie fût encore profitable, si vous aviez votre papier et plume pour écrire, il fallait qu'ils eussent devant eux le plat rempli et la serviette dessous. Car, à tel trépied se rendent les bons oracles. Hors de là, et Apollon et Mercure leur défaillent. Encore, se fâchaient-ils et s'en allaient quand on les voulait retenir un peu longtemps. Qu'eussiez-vous fait là-dessus? Car, de vrai, ce travail ne peut être appréhendé que par ceux qui l'expérimentent. En après, comme ces sauvages n'ont ni religion formée, ni police, ni ville, ni artifice, les mots aussi et les paroles propres à tout cela leur manquent. Saint, bienheureux, ange, grâce, mystère, sacrement, tentation, foi, loi, prudence, subjection, gouvernement, etc. D'où recouvrez-vous tout cela qui leur manque? Ou, comme vous en passerez-vous? Ô Dieu, que nous devisons bien à notre aise en France! Et le beau était qu'après qu'on s'était rompu le cerveau à force de demandes et recherches, comme l'on se pensait enfin d'avoir bien rencontré la pierre philosophale, on trouvait néanmoins, puis après que l'on avait pris le fantôme pour le corps et l'ombre pour le solide, et que tout ce précieux élixir s'en allait en fumée. Souvent, on s'était moqué de nous au lieu de nous enseigner, et aucune fois, on nous avait supposé des paroles déshonnêtes que nous allions innocemment préchotant pour belles sentences de l'Évangile. Dieu sait qui était le suggesteur de tel sacrilège. Un expédient se présente aux jésuites pour se dépêtrer heureusement de ces embrouillements et entraves. C'était d'aller trouver le jeune Dupont, duquel on apportait nouvelle qu'il s'était résolu d'hiverner à la rivière Saint-Jean, à quelque 18 ou 20 lieues de Port-Royal. Car, d'autant que le dit Dupont avait déjà longtemps vécu au pays, et même à la Sylvatique parmi les originaires, on disait de lui qu'il entendait fort bien la langue. Et il ne fallait point douter qu'au moins il saurait proprement expliquer les demandes pour tirer des sauvages la réponse à propos, ce qui était nécessaire pour coucher par écrit un petit catéchisme et instruction chrétienne. Le père Billard, donc, se résolut d'aller chercher le dit Dupont, se déterminant plutôt passer la baie française dans un canot, devant que de se servir de cette occasion de bien faire. Mais le sieur de Biencourt s'opposa fort à cette délibération, entrant en cette occasion en de grands ombrages auxquels il fallut céder pour avoir paix.